acteurs politiques. Afin de garantir un bon déroulement du processus électoral, le respect de la diversité de nos opinions politiques est primordial. Ceci est un message du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP dans son programme Tuganire Tkubake. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 15 mai 2020. Voici les grands titres de cette édition. Le ministre en charge des droits de l'homme trouve non fondées les préoccupations de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi qui dit s'inquiéter des violences rapportées entre les militants de différents partis politiques. Et le haricot sauvage cher ces derniers temps, comme a pu le constater notre reporter dans les quartiers du sud de Bujumbura. Les vendeurs grossistes de cette denrée expliquent qu'ils hésitent à s'en approvisionner en grande quantité avant sa pleine maturité. Et l'Organisation mondiale de la santé alerte dans un communiqué de ce jeudi et déclare que le coronavirus pourrait aggraver l'insécurité alimentaire et la malnutrition en Afrique. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une communication qui rassemble devrait caractériser les politiciens en pleine campagne électorale au Burundi. C'est l'avis du facilitateur sur le leadership transformationnel. Egide Niyongabo rappelle que tous ceux qui font la campagne électorale pour occuper des postes politiques partagent la même patrie qui est le Burundi, qu'ils sont appelés à faire progresser. Suivez Egide Niyongabo. Un bon leader entretient une communication qui inspire la confiance et non la méfiance. Une communication qui donne de l'espoir et non du désespoir. Une communication qui unit et non qui désunit. Une communication qui rassemble. Une communication qui ne blesse pas et qui résout des problèmes et non qui crée de nouveaux problèmes. Une communication qui permet un lendemain meilleur pour tous. Un bon leader pense à la fois à la présente génération et à la génération future. Le grand succès d'un leader est dans son héritage, c'est-à-dire ce que notre attitude et nos actes aujourd'hui laisse comme une marque ou une empreinte dans la vie des autres. Chacun a un rôle de leader indépendamment de son niveau social, de son rang social ou de son poste de responsabilité. Donc, que tous ceux qui sont en campagne électorale pour occuper des postes de diriger les autres soient animés par cet esprit rassembleur et réconciliateur. Ainsi, la campagne va bien se dérouler. Les sympathisants des uns des autres dans différents partis politiques, les différentes idéologies, les différentes opinions politiques. Donc finalement, vont continuer à vivre et à s'entraider comme des frères, malgré les divergences d'opinions et d'idéologies. Car après tout, ceux qui sont en campagne sont tous des Burundais et Burundaises. Leurs sympathisants, quelle que soit leur affiliation politique, sont des Burundais et Burundaises et partagent la même patrie, le Burundi. Et tous, nous partageons un même avenir. Et notre responsabilité, c'est de nous y préparer. En nous tenant la main, mais également en comprenant que chacun est là pour tous et le bien-être est là pour tous. Et plus de 2400 ménages victimes des inondations de Gatumba habitent actuellement le site de Kigaramango, situé en zone Rukaramu de la commune Mutimuzi de la province de Bujumbura. Certaines d'entre elles déplorent les conditions de vie dans lesquelles elles sont. Elles expliquent qu'elles n'ont pas de tente, et ce qui les expose aux pluies. Elles craignent d'attraper la malaria si la situation persiste. Le chef de ce site confirme cette rareté de tente et demande aux autorités habilitées de prendre en compte ces doléances. C'est un reportage de Vestine Botoy. Le site de Kigaramango, situé en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, se localise tout près de la route Bujumbura-Gatumba, sur la berge de la rivière Kagera. Les maisonnettes y construites, les unes sont couvertes de tentes, les autres couvertes soit de paille, des feuilles d'arbres, des sachets ou des moustiquaires hors usage, ou encore des pagnes. Ces maisonnettes n'ont qu'une seule sortie ou entrée. Certaines d'entre elles sont construites dans un espace d'au moins 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur et à peu près un mètre de hauteur. À l'intérieur de celle-ci, sans chambre, on y voit des nattes et des cartons hors usage qui remplacent les matelas de ces sinistrés. Gilbert Ndaïra-Guijé est l'un des habitants de ce site de Kigaramango. Il indique qu'il est difficile d'entrer dans sa hutte parce qu'il y doit se courber. Et les Dani Kiza habitent aussi ce site dans une maisonnette couverte de moustiquaires. Il déplore qu'elle et ses enfants soient sans abri quand la pluie tombe. Étant donné que la plupart des maisonnettes construites dans le visite, non aucune chambre, Janine Ndayishimiye signale qu'il n'y a pas d'intimité entre les conjoints du fait que tous les enfants, garçons et filles confondus, dorment avec leurs parents. Le chef du site Kigaramango, Augustin Kizimana, confirme l'insuffisance des tentes et craigne que la malaria puisse attraper cette population. Pour ce, il demande aux autorités habilitées de leur accorder d'autres tentes pour que se déplacer et de l'abri sûr. Ce chef, Augustin Kizimana, précise que ce site berge 1461 ménages, fait de 7435 personnes. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le Parti Congrès national pour la liberté déplore la décision de la Commission électorale nationale indépendante de ne pas afficher l'officier électoral. Agathon Rwasa, président de ce parti et candidat à l'élection présidentielle pour le compte du CNL, dit que ce fichier permettrait de connaître le nombre d'électeurs par bureau de vote. Suivez-le au téléphone avec Charles Makoto. On devrait au moins afficher les listes sur chaque bureau. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Et puis, il faut rendre public ça. Pourquoi ne pas mettre ça, par exemple, sur le site web de la CENI pour que les gens puissent visionner et voir ce qu'il y a réellement. Par ailleurs, la transparence ferait que sur la liste, on pourrait, par exemple, remarquer les cas de fraude. Vous savez, il y a des irrégularités dans la distribution des cartes d'électeurs, par exemple. On pourrait voir, par exemple, des gens qui sont des électeurs fictifs, qui sont dans différentes listes, parce que les gens se connaissent quand même. Si on y trouve 10, 20, 30 noms de gens qui n'existent pas dans la localité et qui n'ont pas fait de transfert pour voter en ces lieux-là, on comprendrait effectivement que la triche a déjà été faite. Agathon Rwasa, président du parti CNL et candidat à l'élection présidentielle pour le compte de ce parti. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme apprécie positivement comment les droits des enfants sont respectés en cette période de campagne électorale. Néanmoins, le président de commissaire déplore que certains enfants se fassent dire des slogans politiques. Jacques Chimirimana, c'est un des commissaires de cette commission, demande aux politiques d'éviter d'utiliser des enfants à leur fin politique. On l'écoute. Avant le lancement de la campagne, nous avons invité tous les responsables politiques, les responsables des partis politiques et les candidats indépendants. Nous avons passé toute une journée en train de se rappeler des responsabilités, des devoirs des responsables politiques dans la protection des enfants pendant le processus électoral. Et nous nous sommes convenus avec ces leaders politiques que chacun de son côté fera tout son possible pour éviter que les enfants soient exploités pour des fins politiques. Donc, aujourd'hui, nous déplorons ce comportement ignominieux de certains leaders qui n'ont pas lancé le message à leurs militants. Nous déplorons aussi le comportement ignoble de certains membres des partis politiques qui prennent ces initiatives malheureuses d'exploiter les enfants sans que leurs leaders au plus haut niveau ne le sachent. Ce sont des cas que nous avons constatés et nous apprécions, nous encourageons la chaîne pénale, donc les éléments, les forces de l'ordre, les éléments de la justice, qui ne ménagent aucun effort pour redresser la situation, qui arrêtent, qui jugent toutes personnes accusées d'avoir exploité des enfants pour des fins politiques. Et à ces politiques qui exploitent ces enfants pour des fins politiques, nous voyons ces enfants porter des messages qui ne plaisent pas l'adversaire. Et quel serait le clin d'œil de la CNIDH? Nous les rappelons d'abord qu'avant d'être des politiques, ce sont des parents. Vous savez bien que tout parent responsable doit avoir un attachement au respect de la dignité des droits de ses enfants. Donc, qu'ils arrêtent d'exploiter ces enfants d'autrui comme ils ne pourraient pas le faire pour leurs propres enfants. Les politiques doivent être des modèles normalement dans la société. Et être un modèle, ce n'est pas seulement en termes de messages, en termes de paroles, c'est aussi en termes d'actes. Également dans l'actualité, des formations en faveur des clubs de football sur les nouvelles lois établies par la Fédération internationale de football vont contribuer au développement de ce sport au Burundi. Le secrétaire exécutif de la Fédération burundaise de football FFB l'a dit ce vendredi lors du lancement officiel de ses séances de formation pour les clubs évoluant dans la première division Primus League. Jérémy Manilakis a fait savoir que les équipes qui ne respecteront pas ces nouvelles lois de la FIFA vont perdre la permission de participer aux différentes compétitions. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Gendakoumana. C'est une formation à l'endroit des clubs de première division sur les licences de clubs. Licence au club, il y en a qui font la concession, ce n'est pas licence des joueurs, c'est licence des clubs. Octroyer une licence d'un club, c'est tester le niveau de son organisation, voir comment le club est organisé au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier, au niveau sportif. Est-ce que les équipes ont des entraîneurs adéquats? Est-ce qu'ils ont des équipes de jeunes? Parce qu'avoir une équipe de jeunes, c'est une obligation de la FIFA, c'est une obligation de la CAF. Et partant, ça devient une obligation de toutes les fédérations. L'objectif de cela, c'est cela. Montrer aux équipes comment ils peuvent s'organiser pour un bon développement. Les équipes qui ne respectent pas ces règles, est-ce que la loi prévoit quoi? C'est-à-dire, si vous ne recevez la licence, c'est-à-dire que d'abord, si vous gagnez la Coupe ou le championnat, vous n'allez pas en Coupe d'Afrique. Et aussi au niveau interne, parce que la Confédération africaine de football, maintenant, elle est en train d'exiger aux fédérations d'appliquer localement les licences. On nous exige de délivrer des licences nationales. C'est-à-dire que demain ou après-demain, une équipe qui n'est pas organisée de la sorte ne pourra même pas jouer en championnat national. Et quelle sera la valeur ajoutée de cette formation? La valeur ajoutée, c'est quand une institution est bien organisée, elle se développe, elle est pérenne. Un club, normalement, ça devient une entreprise pour le moment. C'est des grandes sociétés, maintenant même à l'étranger. On n'enseigne pas qu'un club du Burundi devient immédiatement comme un club d'Italie ou de France ou d'Allemagne. Mais il faut un minimum. Alors, si tu as ce minimum, le club va survivre. Je vous l'avais dit dans les titres, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi exhorte les autorités burundaises et les partis politiques à résoudre les problèmes liés aux élections d'une manière pacifique. Dans une déclaration du président de cette commission ce jeudi devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Doudou Diène a dit être préoccupé par des violences entre les membres des partis politiques en compétition électorale. Cette commission demande au gouvernement de mettre fin à l'impunité dont, selon elle, bénéficient certains auteurs d'actes de violence. Elie Nibel Nibigira. Dans cette déclaration, la commission d'enquête sur le Burundi montre qu'elle est extrêmement préoccupée par des actes de violence qu'elle dit commises pendant cette période de campagne des élections prévues le 20 mai prochain. La commission d'enquête sur le Burundi appelle les autorités burundaises et tous les responsables des partis politiques à redoubler d'efforts pour résoudre pacifiquement les tensions liées aux élections. De plus, le président de cette commission demande au gouvernement burundais de prendre toutes les mesures pour arrêter ce qu'elle appelle la spirale de violence. Doudou Diène, président de cette commission, a par ailleurs noté que les responsables des partis politiques de tous bords ont la responsabilité de prévenir des actes de violence. Ainsi, ils doivent être conscients qu'ils peuvent être tenus pénalement responsables de leurs actions, ainsi que, dans certaines circonstances, de celles de leurs militants. Dans la même déclaration, la commission onusienne d'enquête sur le Burundi invite toutes les juridictions compétentes, y compris en dehors du système judiciaire burundais, à considérer l'ouverture des poursuites pénales contre les principaux responsables de violations graves et massives des droits de l'homme qui pourraient être commises dans le cadre du processus électoral en cours. La même commission craint un autre cycle de violence dû aux élections et les résultats issus de ces échéances électorales. Pour conclure, Doudou Diène, qui est à la tête de cette commission, considère que, je cite, « les élections du 20 mai 2020 nous pourrons ouvrir une nouvelle ère de stabilité au Burundi que si le processus électoral est géré de manière pacifique et sécurisée, en toute transparence et indépendance, afin que les résultats puissent être considérés comme crédibles et acceptés de tous. » Fin de citation. Quant à la communauté internationale, elle est appelée à rester vigilante à la situation des droits de l'homme dans le contexte électoral au Burundi. Merci Nibel. Et le ministre burundais des droits de la personne humaine et du genre en réaction rejette en bloc le contenu du communiqué de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi. Martin Ivyabandi fait savoir que son ministère suit de près toutes les activités de campagne électorale et déclare qu'elles se déroulent de façon satisfaisante. Il rappelle que le Burundi ne reconnaît pas les rapports de cette commission. Suivez le ministre Ivyabandi qui vient d'être joint au téléphone par Elie Nibel. Nibigira. Qui a été fait par la soi-disante commission d'enquête sur le Burundi. Et pour le gouvernement du Burundi, c'est un événement il y a 4 ans. Et qu'on répète la même chose. L'objectif de la mise en place de cette commission était de ternir l'image du pays. Et quand il a agi de conduire le processus électoral, il fallait l'arrêter. En montrant que le gouvernement, le peuple burundais n'est pas capable d'organiser des élections. C'est un mépris envers le peuple africain. Et maintenant, le peuple vient de démontrer à la face du monde qu'on peut organiser des élections sans apport extérieur. Aussi, il y a certaines organisations qui ont été fâchées par nos présences pour l'observation électorale. En cas qui concerne la campagne électorale, c'est plutôt les partis politiques et les indépendants battent campagne sans aucune difficulté. Nous avons des structures qui sont au niveau des provinces, qui sont au niveau des communes, au niveau de notre ministère, qui font le monitoring. Chaque cas est rapporté. Le rapport que je dispose montre que les incidents qui ont été observés pendant cette campagne électorale ne sont pas de nature à décrédibiliser le processus électoral en cours. C'est un processus qui a été bien organisé et qui est en train d'être bien conduit. C'était le ministre Martin Nivyabandi. Des consommateurs de haricots rencontrés par nos reporters dans les quartiers du sud de Bujumbura se plaignent d'acheter cette denrée au prix élevé. Les vendeurs grossistes, eux, disent qu'ils ne peuvent pas s'en approvisionner en grande quantité avant la pleine maturité. Ezekiel Ndikumwenayo. Les habitants de la zone Msaga et Kanyosha de la commune Ilbene Domoha qui se sont entretenus hors micro avec la radio Isanganilo disent que durant ces jours, l'accès aux marchandises de haricots chez les détaillants comme chez les grossistes n'est pas facile. C'est l'eau, même là où ils trouvent les haricots, sont en très petite quantité et à un prix élevé. Affirmation de certains commerçants grossistes de haricots qui, selon leur vue, les haricots restent encore indisponibles et à un prix inhabituel des clients et aussi ne sont pas approvisionnés en quantité voulue, tandis que d'autres craignent de s'approvisionner en grande quantité car les haricots ne sont pas encore secs, d'où la crainte de pourrissement de leur stock. Toutefois, ces commerçants demandent à l'État de faciliter l'entrée des marchandises et des denrées alimentaires en attendant que les Burundais se contentent de leurs propres récoltes. Dans tous ces points de vente où nous avons visité des types de haricots, à savoir ceux connus sous le nom de Kinure et Kirundo, étaient disponibles. Ezekiel Ndikumwenayo, et la récolte des cultures vivrières s'annonce bonne pour la saison B en province de Tiankouzo. C'est le constat du directeur de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage en province de Tiankouzo qui explique que maintenant on est à 90% de la récolte du haricot. Selon lui, cela est dû à la bonne utilisation de l'engrais. Mais la population agricole réclame toujours la disponibilité de l'engrais à temps pour éviter des retards dans le semis. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Tiankouzo demande plutôt aux agriculteurs de commencer la culture dans les marais, car les semences de maïs sont déjà disponibles. Raymond Moudende. Lorsqu'on passe au marché du chef-lieu de la province Tiankouzo, on constate que le prix du haricot est à la baisse, de même que celui du riz, de bananes et d'autres cultures. Par exemple, le prix du haricot simple, qui se vendait à 2000 francs, s'achète maintenant à 1400 francs par kilo, tandis que le prix par kilo du riz a acheté entre 400 et 200 francs par kilo. Cette baisse des prix de première nécessité, et c'est le Mirkad Naondereye, directeur de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Tiankouzo, le résultat de la bonne utilisation de l'engrais, car la province de Tiankouzo a été la première à adhérer à l'usage de l'engrais produit au Burundi. Son directeur parle alors de la production d'Iaïko qui est maintenant estimée à 90%, alors que celle du riz est estimée à 20% avant la récolte de juin. Son directeur conseille alors à la population de ne pas gaspiller cette récolte déjà disponible, de ne pas gaspiller cette récolte sur les marchés. Pour qu'il y ait plus de production pour d'autres saisons, la population agricole de Tiankouzo demande la disponibilité de l'engrais à temps. Et parlant de cette production déjà disponible d'haricots et de riz, même la production d'autres cultures souterraines comme le manioc, patates douces et pommes de terre et même des bananes est estimée bonne en province Tiankouzo pour cette saison B. Depuis Tiankouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond. Et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'inquiète du fait que la pandémie de COVID-19 pourrait aggraver l'insécurité alimentaire et la malnutrition en Afrique. Dans son communiqué sorti le 14 mai à Brazzaville, l'OMS recommande aux États membres de fournir une assistance aux ménages en situation d'insécurité alimentaire, de veiller à ce que le matériel médical et les capacités de traitement soient réservées à la prise en charge des patients souffrant de malnutrition aiguë. Fidèle d'Antoine Sabumana. Comme c'est stipulé dans ce communiqué, l'impact de la maladie devrait être plus important chez ceux qui sont aux prises avec la pénurie alimentaire et la malnutrition, tandis que l'insécurité alimentaire généralisée augmentera probablement en raison des restrictions de mouvement. Le Covid-19 survient en Afrique dans un contexte où prédominent les niveaux inquiétants de faim et sous-alimentation. Ces derniers pourraient s'aggraver à mesure que le virus menace les moyens de subsistance et les économies des ménages, a déclaré Dr Machidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. En Afrique, on estime qu'une personne sur cinq est sous-alimentée, tandis que 59 millions d'enfants présentent un retard de croissance, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 21,9%. Selon les récentes estimations de l'OMS, 73 millions de personnes en Afrique souffraient de l'insécurité alimentaire aiguë. Le Covid-19 aggrave les pénuries alimentaires car les importations alimentaires, le transport et la production agricole ont tous été entravés par une combinaison de mesures mises en place comme le confinement, les restrictions de voyage et la distanciation physique. Le poids de restriction des mouvements et du confinement est particulièrement ressenti par les ménages à faible revenu et ceux qui travaillent dans l'économie informelle en raison de la perte de leurs moyens de subsistance et leur incapacité à accéder au marché. L'OMS recommande aux États membres de fournir une assistance aux ménages en situation d'insécurité alimentaire, de veiller à ce que le matériel médical et les capacités de traitement soient réservées à la prise en charge des patients souffrant de la malnutrition aiguë et à ce que les mécanismes de dépistage et d'orientation des patients souffrant de malnutrition aiguë soient mis en place. Fidèle à sa humaine et dans le reste de l'actualité en Afrique, les autorités béninoises ont décidé de maintenir les élections municipales prévues dimanche dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dans un contexte de crise politique, malgré les risques sanitaires provoqués par la pandémie de coronavirus. Pour limiter la propagation du virus, le gouvernement a interdit les meetings politiques et les rassemblements de plus de 50 personnes. La campagne électorale s'est donc limitée aux affichages et aux messages diffusés via les médias. Et au Mozambique, les autorités affirment avoir tué 50 terroristes au cours d'opérations militaires menées ces derniers jours dans la province du Cabo Delgado, dans l'extrême nord du pays. Depuis 2017, des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique déstabilisent cette province riche en gisements gaziers sous-marins. Et plus proche de chez nous, Pascal Mukuna, l'un des religieux les plus célèbres des églises du réveil en République démocratique du Congo, évêque de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, est détenu depuis hier jeudi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, autrement dit la prison centrale de Makala. L'évêque, qui est soupçonné de viol, menace et rétention illégale de documents, vient de passer sa première nuit en prison. Il accuse le magistrat instructeur de partialité. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.